Alors, vous êtes dehors par un beau jour d'été, le ciel est bleu et tout est paisible, vous vous sentez bien. Votre téléphone portable sonne, vous décrochez, et à ce moment-là, un bruit fracassant résonne dans l'air. Vous levez les yeux, vous apercevez un avion qui monte dans le ciel, suivi d'une longue traînée blanche qui se détache sur le ciel bleu. Vous n'entendez rien de ce que dit votre interlocuteur, et vous lui demandez « Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein ?» Le ton montant s'élève de la même manière que la traînée blanche de l'avion. Formez à nouveau un point avec votre main. Cette fois, sortez votre index, levez-le et pointez-le vers le ciel bleu. Votre doigt est bleu maintenant et nous associerons cet index bleu pointé vers le ciel bleu au ton montant. Nous pouvons appliquer ce ton à n'importe quel mot, tout comme nous l'avons fait avec le ton du pouce vert. Et en changeant le ton, on change instantanément le sens du mot. Astucieux, n'est-ce pas? On peut le faire avec chacun des quatre tons. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Le son monte, tout comme votre doigt bleu. Vous pouvez lever votre doigt bleu plus ou moins haut. Ça n'a pas d'importance. Donc, répétez après moi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Bien. Répétez à votre tour. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Alors, comment allez-vous appliquer votre ton montant du doigt bleu au mot chien? Chien. Comment l'utilisez-vous avec mur? Mur. Et comment l'utiliserez-vous avec barre? Bar. Si vous pouvez le faire avec des mots français, vous pouvez évidemment le faire avec des mots chinois. En chinois, personne se dit 人, doigt bleu levé, 人. Il se prononce comme le mot français jaune. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Alors, comment direz-vous personne en chinois? 人. Pointez votre doigt bleu vers le ciel, un ton montant. Votre regard se lève vers l'infini, vers le ciel bleu. Et maintenant, comment dites-vous milieu en utilisant votre pouce vert? Jumbo aime jouer du djembé, donc avec le pouce. Donc, le mot milieu se dit Zhong, Zhong. Comment dites-vous personne ou homme en levant votre doigt bleu? Ren. Ren.